scandale très humide à Marseille. Des fonctionnaires de la prestigieuse brigade anticriminalité, la BAC, qui sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux en échange de services, d'avoir revendu de la drogue saisie. Isabelle Sestis. Wanani Gradi, 25 ans. Quelques gardes à vue, mais rien de plus. Il est à la tête d'un réseau complet entre Marseille et Roubaix. Évitez toute approche avec le suspect qui est sûrement armé. Sur toutes les paires, c'est-à-dire là, de faire une connerie, Franck. File-le, obtiens des preuves solides pour une arrestation et tu laisses les équipes faire le reste. Le soir, je suis narcoleptique. J'ai vu même des grands, t'as fait pour des petits. On fume du shit, poto, fuck le psy. Des dealers, des guetteurs, des gros, ils sont ratés en absence du collectif. J'amène Gova chez Colomb pour Carwash. On n'oublie pas 400 ans d'esclavage. L'argent est sale comme ma peau, je vais blanchir chez Walter White à la station de lavage. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. J'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Poto, le bigo a sonné. J'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. J'ai un peu de souffert, j'peux t'en donner. Il m'en reste aussi si tu veux te cogner. La vie de ma mère que des PD. Ils t'oublient comme Julien une fois qu'ils ont percé. Les meufs en 2016 sont devenues trop malines. Elles reniflent les grossismes que la brigade canine. Bellec à Griselda Blanco, même les putes peuvent devenir reines du cartel de cocaïne. Si ma bite est dure, il faut que tu la suces. L'hiver est rude, mais l'alcool est russe. La chatte à Marine, je ferai pas de cunilingus. Qu'elle crève d'un cancer de l'utérus. J'ai doublé ces MC, c'est dommage. Leurs ventes sont en baisse comme le chômage. 2-0-16, on les baisse que leur apprend. C'est repose en paix, je lui rends hommage. Tes négros sont vrais comme des phonibars. Marche avec moi, s'te plaît, pote, on me salit pas. Je viens d'Afrique comme la misère, je le renie pas. Maintenant tu sais pourquoi j'ai vidé le minibar. Je vais la mère de l'enfant de Wiz Khalifa. Ma bite dans du beurre, mon négro, je fais des galipettes. Je fais des galipettes. Pour allumer le calumet de son torpe, faut plus que des allumettes. Tu veux percer dans le mug et faut me sucer, fils de pute, y'a pas de remède. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. J'suis de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. J'suis de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. J'suis de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. Poto, le bigo a sonné. J'suis de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Ça veut dire quoi ça? On mange notre part maintenant. Tu vas faire quoi? Ah ouais? C'est comme ça que tu me parles maintenant? Je vais faire quoi? C'est comme ça maintenant. Tu vas faire quoi? C'est comme ça que tu me parles maintenant? C'est comme ça maintenant. Tu vas faire quoi? Ah, c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça? Ok. T'inquiète pas, on va se revoir. Non, retiens bien. se revoir.